Bah alors Catherine, tu lis ton monde d'il y a 3 jours? Oui, c'est vrai que c'est pas celui d'aujourd'hui, mais tu sais, je l'achète pas tous les jours hein, parce que ça revient cher. Et puis le monde, c'est dense, donc il y a Ouais. beaucoup à Enfin, lire. c'est cher, c'est le prix d'un café, hein. Bah oui, mais comme je bois mon café en lisant mon journal, ça multiplie le prix. C'est quoi? C'est 1,30 €? Oui, à peu près, mais 1,20 €? tu sais, depuis le passage à l'euro, c'est vrai Ouais. que tout a augmenté, et notamment Bon. Mais alors, les tu lis qu'un quotidiens. journal par semaine? Non, je lis aussi un quotidien régional pour savoir ce qui se passe un peu dans la région. Et tu l'achètes? Celui-là, je l'achète pas tous les jours non plus, je vais le Ouais. lire parfois à la bibliothèque. Parce que les salles de lecture, sont gratuites, en Oui, fait. je m'installe là, en principe D'accord. c'est assez calme, et puis je lis mon journal tranquillement. Mais tu lis des magazines aussi? Oui, j'aime bien les magazines de jardinage. C'est vrai? Oui, j'ai un petit jardin et c'est vrai que ça me donne plein de conseils, plein d'idées. D'accord. Oui, puis alors, moi, j'y connais rien en ces magazines, mais je vois qu'il y en a énormément. Oui, mais j'ai C'est, mon euh, il y a préféré. un public pour les magazines de jardinage. Tout à fait. Et t'es plutôt télé ou t'es plutôt radio? Ah, moi, je suis radio, hein. La télé, Ouais. je la regarde très très peu. Et la radio, t'écoutes quoi? J'écoute des radios d'info, par Ouais. exemple le matin, Ouais. hein, et puis aussi de la musique. D'accord. Et tu t'informes avec la télé? Tu regardes les journaux télévisés ou... Je te dis, je regarde très Non? très peu la télé. Oui, un journal de temps en temps, une Ouais. émission culturelle peut-être, mais comme il y en a très peu, d'ailleurs, je paye pas ma redevance. Ah mais non, ça c'est pas très civique. Non, je sais, mais franchement, la qualité des programmes fait que j'ai pas du tout envie de payer la redevance. Bah alors ça c'est étonnant, hein, parce que franchement... Après, on se plaint qu'il y ait trop de pubs, et quand même, la redevance, ça permet de financer les chaînes publiques. C'est vrai, mais si les programmes sont meilleurs, à ce moment-là, je paierai ma redevance. Bon, d'accord.